بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم الولاء والبراء والعلاقة بالذبو للشيعة الفوزان حفظه الله تعالى. تحديث كومنتي بار أبو تيمية خليل المحتنكي حفظه الله تعالى. دوزيام بارتي. طيب، إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، ما زلنا في كتاب الذي ألفه الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى بعنوان الولاء والبراء. فمن هنا، هل تستطيع تذكرنا شيئا من معنى هاتين الكلمتين، يعني الولاء والبراء؟ يعني دعنا رزومي، يعني لو سونس البراء والمحبة، يعني لغتان تذكر نتاع مبانو الولاء من اي فعل اخذ؟ القرب، هذا المعنى، لكن المادة لا راسين في لو فيرب نولد دولا تي بري من وليا، معنى قربة من، ومعنى القرب من المؤمنين ومناصرتهم وتأييدهم ومحبتهم وغير ذلك. هذا في باب الإيمان. والبراء مأخوذ من أي فعل؟ من براء، معنى قطع. طيب، أن تقطع الصلة مع الكفار، طيب، وأن تبعدهم ولا تواليهم وغير ذلك. يعني حينما نقول الصلة، hormis peut-être les parents، لين parents tes parents sont les كفار، tu coupes pas lien de parenté avec eux. يعني كلام عام، يعني جنس الكفار، طيب، l'espèce des كفار. أما les parents، et après les choses خاصة qui font استثناء à la règle، comme les parents، les proches، وغير ذلك. eux يعني يقطع صلة الرحم معهم محرم من الكبائر. même si les كفار ils vont parler de شيخ aussi à la fin du kitab. On a pris dans ce Mukaddima quelques adillets qui démontrent l'obligation du wala pour les mu'minin et l'interdiction de celui avec les kuffars. Wa yajibu, yani yastalzim didda. Quand on prend une chose, cela implique son contraire. Si on t'ordonne d'aimer quelqu'un, d'accord, donc tu dois détester son contraire. Kama khazna min huna al-wala wal-bara. Ba'da hadha, كما عرفت أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء علامات حتى يعرف الشيء، وتميز تميز ذاك الشيء عن غيره. كلمة ديسين pour toute chose pour pouvoir distinguer, que tu saches qu'est-ce que telle chose et qu'est-ce que telle chose, pour pas que tu mélanges tout. غيب لنا الدين واضح. مثلا جعل للمؤمنين علامات، croyants ils ont des signes. جعل الكافرين علامات، جعل مثلا للأهل الخير علامات، وجعل أهل الشر علامات. كنا تعلم هذا من أهل الخير وهذا غير ذلك بعلامات. حتى أهل السنة وأهل البدع لهم علامات مليئة في الكتب. tu vas trouver plein de trucs qui démontrent c'est quoi أهل السنة، leurs signes، leurs caractéristiques، leur عقيدة، leur منهج. et après أهل البدع comme certainement nombreux mais ils ont des points communs tous. par exemple من علاماتهم البعد لأهل السنة. alors c'est نجتمع على هذا. وقت الخروج في بعض أشياء هم يعني بعض علامات تجدوا يا عامة في كلهم وبعضها خاصة. طيب، دي بداية سبيسيفيك que chacun a d'autres n'a pas mais il y a des points ils vont tous avoir et le principal c'est ils détestent les gens de la sunna. ça c'est le point sur lequel ils sont tous en accord, c'est ils n'aiment pas les gens de la sunna. ça il n'y a pas de relief entre par rapport à ça et certains sont pires que d'autres, le montrent plus que d'autres. par exemple Allah alam le rafidi il va vouloir te tuer. tu vois. Un autre qui est moins que ça, peut-être pas. Tu vois, il ne sera pas au point qu'il voudra te tuer. Mais t'en as, ils sont au stade où ils veulent tuer les salafis. مثلاً مثل الرافد قاتلهم الله. طيب، فالآن هو سيدخل فيما يبين لك موالاة الكفار. كما قال من مظاهر موالاة الكفار. des choses qui te démontrent comme on t'a montré que c'est interdit que t'aimes les kuffars. Il va te démontrer des points qui font que si tu as ça en toi, ça veut dire que tu as de l'amour pour eux. ou si tu vois quelqu'un qui a ça en lui, c'est qu'il a de l'amour pour eux, donc il faut le nasah, faut le bayyin. Et là, c'est à la bab al-ihtisar. Nasah tient au tawil akthar, ama ja bil nukat al-muhimma. طيب الأظهر الأوضح. فقال أولا من مظاهر موالة الكفار. Parmi les choses apparentes qui démontrent l'amour envers les kuffar. أولا التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما. Fait de leur ressembler dans les habits et dans le jargon, le fait de parler, comment tu parles comme eux et autre que cela. يقول لنا تشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما يدل على محبة المتشبه به ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بكم فهو منهم. Donc il dit que le fait de le ressembler dans l'accoutrement, dans la façon de parler, cela démontre que celui qui le ressemble les aime. C'est pour ça que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que celui qui ressemble à un peuple fait partie d'eux. وهذا شيء حتى العقل يقبل ذلك. Même ta raison accepte cela, que quand tu vois une personne qui a des points sur lui, tu sais de quoi il fait partie. Tu vois ce que ça veut dire? Les gens, sur eux, comment ils s'habillent, ils font ressortir en eux ce qu'il y a dans leur cœur. Même il y a dit الظاهر عنوان عن الباطن. Ce qui est extérieur reflète ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ma'alouf. Et tu le verras chez les gens. Les petits jeunes, comment ils s'habillent, tu sais, c'est quoi leur mode, tu sais à quoi ils s'apparentent. Un petit skater, tu vas le reconnaître. Un petit footballeur, tu vas le reconnaître. Un qui aime telle et telle chose, tu vas le reconnaître. Par ses vêtements. Rien que par ses vêtements. Fal muslim, min bab awla. Idha kana yuhibbu Allah wa rasoulah, fa yatashabba bi awliya illa. Wa ala ra'sihim al-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Fa qal, فيحرم التشبه بكفار فيما هو من خصائصهم ومن عادتهم وعبادتهم وسمت أخلاقهم كحرق اللحى مثلا وإطالة الشوارب ولطانة بلغتهم إلا عند الحاجة وفي هيئة اللباس والأكل والشرب ولذلك. Donc il dit il est rendu illicite de fait de leur ressembler dans ce qui leur est spécifique, particulier, comme leur coutume. Tamam. Et leur rite. Mais là, ils parlent de culte dans l'adoration. Ou dans leurs mœurs. Comme par exemple le fait de se raser la barbe. Se raser la barbe. هذا من الكبائر وهذا من تشبه بكفار وزيد على ذلك تشبه به النساء. فأنت جمعت بين التشبهين. وكلهما عظيم. هذا ou tu ressembles aux كفار ou tu ressembles aux femmes. Dans les deux cas, t'es pas bien, t'es mal barré. Et ça, c'est Hicham Ben Baz et plein de ulama, ils l'ont dit. Celui qui se rase la barbe, il ressemble aux femmes. Parce qu'à la base, l'homme, il est velu. Ma'alouf. Il est barbu. La femme, elle l'est pas. À part dans des cas, bah oui, ça, c'est autre chose. Mais là-bas, c'est que l'homme, il est barbu. Et la femme ne l'est pas. Donc celui qui se rase la barbe, sort de sa nature virile, pour entrer dans la nature féminine. Alors, Azama Yajouz. Il dit également le fait de laisser, s'allonger les moustaches. Laisser pousser les moustaches. Ça c'est marlouf chez les mouchékines à l'ancienne, comme tout ce qui était les gens du nord, les vikings, tout ça, les celtes, ils avaient des longues moustaches, qui tout mouillées sur leur bouche. Vous voyez sûrement qu'il y avait un lien de religieux par rapport à ça. Ils avaient des barbes, c'est vrai, ils avaient des barbes, il y en a qui disaient qu'ils avaient des barbes, mais ils avaient aussi des longues moustaches. C'est les Yahoud, ils ont des longues moustaches aussi. Parce que les gens vont dire, ouais, les Yahoud, ils ont des barbes. Ouais, mais ils ont des longues moustaches. Nous, on taille les moustaches. Et également le fait de parler dans leur langue, sauf dans un besoin. Tamam. Mathalan, allazi lughatuhu min baladihi mathalan, quand c'est ta langue à toi, c'est pas comme par exemple, lui fait souvent allusion à une personne dont cette langue n'est pas la sienne, il parle avec. Par exemple, un arabe, il se met à parler l'anglais. Il est dans un pays arabe, il a la langue arabe, et il se met à parler avec ses compatriotes en langue anglaise. Comme ça, sans haja. Ben ça, c'est un tachabbuh bihim. Fahimt? Ou l'anglais ou autre parmi les langues. Hatta nahnu, anil nasahana al-mashaykh, an natruk al-kalam bi lughatina, lakin ala sab. Bien ensemble, c'est une langue maternelle. C'est pas facile, c'est pas pareil. C'est pas comme si c'est un tachabbuh. Mais c'est un khata, à la base, tu vois. C'est un khata à la base. فنسأل الله يعفو عنا في هذا. Mais c'est pas mahabbatan lahum. C'est nous, parce qu'à la base, on est né avec cette langue-là. C'est pas comme si on avait appris après, et qu'après on parlait avec, par plaisir. Ça, les ulama, c'est surtout ça qu'ils visent. Celui qui a une langue, c'est pas la sienne, il l'a appris, il parle avec. Et alors qu'il n'y a pas de besoin. Avec des gens qui connaissent sa langue parfaitement. Également, la façon de s'habiller, la façon de manger et de boire. من هنا تنبيه في الأكل والشرب ليس معنى أن تأكل بالمرايق مثلا أو بالسكين أو شوكة. C'est pas le fait de manger des fourchettes, cuillères ou couteaux. Ça c'est un truc من علم إلى هنا علما حرم ذلك. Il n'y a pas de savant, je ne connais pas de savant qui interdit le fait de manger avec ça s'il y a un besoin. Mais c'est la façon de faire. Par exemple, les assiettes chacun devant soi, le petit verre, la fourchette, le couteau ici, et chacun son assiette comme ça séparé. Tu vois? Voilà, ça c'est hayat al-kuffar. Les musulmans yajtamiun hawla sahn wahid. Ah, mais t'as une cuillère, ben là, ben c'est des plats, tu peux pas les manger à la main. Tu donnes de la soupe, tu vas la manger à la main. Tu peux pas la manger à la main. Il y a des plats, t'as besoin, des fois, même la viande, on a mis salam, c'est tamal sikin. Et des couteaux pour couper de la viande. Ce genre de choses. Donc ça vient dans les hadas du pays. Voilà. Mais maintenant, la façon de faire, par exemple, comme on l'a dit, c'est pas chacun son plat, ça, c'est kharif de adil de l'islam. Et en plus, c'est pas de baraka. Mais tu manges tout seul. Et ça fait de toi un bakhil. Hein? T'es un peu radin après, c'est mon plat. Donc voilà quoi. Ça rentre là-dedans. T'as même? Un mal reste. Yalji al adat al balad. Yakoul, tayyib, adil noctel oula. Donc le fait de leur ressembler dans leur accoutrement. Et dans le parler. Et autres. Thumma qal, thaniyan, al-iqama fi baladihim wa adam al-intiqal minha ila balad muslimin li ajl al-firaf bid-din. Le fait de résider dans leur pays et de ne pas en partir vers les pays des musulmans pour fuir avec la religion. Fala yunabbih ala madha anna tark al-hijra wa al-baqa hunak bidun 'udhr shar'i. Min mazahir mawalat al kuffar. Que cela est une marque qui démontre l'amour pour eux. قال لأن الحجرة بهذا المعنى ولهذا العرض واجبة على المسلم لأن إقامته في بلاد الكفار الكفر تدل على موالة الكافرين ومن هنا حرم الله إقامة المسلمين بين الكفار إذا كان يقدر على الحجرة. قال تعالى إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Donc le sens du verset approximatif. Ou d'abord, il dit car la hijra dans ce sens et dans ce but est obligatoire sur le musulman. D'accord? Qui quitte les kuffars pour aller chez les musulmans. Car le fait de résider là-bas, cela démontre son amour pour eux, pour les kuffars. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu illicite. D'accord? Pour celui qui est capable de partir. D'où le verset, la parole d'Allah dans le sens où il dit, c'est à ceux dont les anges arracheront les âmes, alors qu'ils sont injustes envers eux-mêmes, ils leur diront, dans quoi étiez-vous? C'est-à-dire par rapport à votre religion. Il dit, nous étions parmi les faibles sur terre. Ils leur diront, comment la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste avant que vous puissiez émigrer, cela, le refuge sera l'enfer et quelle mauvaise destination. Tu vois la menace qui plane, cela démontre que tant qu'à Hijram n'est kaba'ir. Toute chose qui vient avec un wa'id, avec une menace de châtiment, cela démontre que c'est un grand péché. Il dit, hormis les affaiblis, les impuissants, parmi les hommes, les femmes et les enfants qui ne peuvent trouver d'issue, alors cela, Allah leur pardonnera, et Allah certes est pardonneur. Naam. Donc là, les excusés sont ceux qui n'ont pas de moyen de partir. Homme, femme ou enfant. D'accord? Homme, femme ou enfant, celui qui n'a pas d'issue pour partir, qui n'a pas les moyens, par exemple, il n'a pas la coudra matérielle, ou un empêchement, ce genre de choses, il est excusé. Mais Inam al-Amal bin Niyah, son cœur, lui, voudrait partir. À la base, il voudrait partir. Et on avait demandé une fois à Cheikh Yahya, d'ailleurs l'audio est présent, pour une femme. Qadira al-Hijra. Wahdaha. Elle, ذاك الحكم ينطبق عليها؟ قال نعم. يعني même une femme seule qui a besoin de partir ou quoi, elle doit partir. Il n'y a pas je suis une femme, je ne pars pas. Tu dis même la femme, elle part. Parce que moi, elle a la coudra, maliya, wadismiya, c'est-à-dire qu'elle peut partir. Elle n'a pas pour nécessité qu'elle est une femme. Dans le verset, dit quoi? Il est le moussadrafine, il est rigel, ou un nissa, ou un wilden. Wilden, on refait le kalem à un wilden. L'enfant, lui, le kalem, il n'est pas levé sur lui. Donc, c'est autre chose, il n'est pas moukallaf. Mais là, il a dit, un rigel, ou un nissa. Et avant, la précision, c'est quoi? Un moussadrafine. C'est-à-dire que là, c'est parmi les hommes et les femmes, le jugement, il est pareil. C'est le même jugement, homme ou femme. La hijra, elle est obligatoire même pour la femme seule, quand même, si elle peut partir. Cependant, lui, conseille à la femme, bien sûr, comme ce n'est pas un homme, qu'elle ne parte pas à l'aventure comme ça, que son voyage soit bien préparé, et qu'elle sache où elle va être accueillie. Parce que c'est une femme. Elle aura affaire à des choses, c'est pas comme un homme. Un homme, il part tout seul, il se débrouille. Il peut dormir dans la rue, même, quitte à ce qu'il dorme dans la rue. Ça peut arriver dans un masjid ou dans une situation assez dure, mais la femme, elle ne va pas dormir dans la rue, un truc comme ça. Donc au moins elle sache que là où elle va, elle sera accueillie. Ou par sa famille si elle en a, ou par des gens qui peuvent. En tout cas, c'est pas à part comme ça. Elle a un pied à terre qui l'attend. Et dès que tout est prêt, elle part. Tu vois, elle part. Naam. Donc celui qui l'excuse, comme le démontre le verset, Inch'Allah, il est. Allah lui pardonnera. Quand même. فَلَمْ يَعْذُلِ اللَّهُ فِي الْإِقَامَةِ فِي الْإِقَامَةِ فِي بِلَادِ الْكُفَّارِ إِلَى الْمُسْتَضْعَفِينَ الَّذِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْهِجْرَةَ كَذَلِكَ مَنْ كَانَ فِي إِقَامَتِهِ مَصْلَحَةٌ دِينِيَّةٌ كَالدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ وَنَشْرِ الْإِسْلَامِ فِي بِلَادِهِمْ. Donc il dit que Allah a pardonné, pardonnera à ceux qui résident chez les koufars, parmi les affaiblis, les impuissants, ceux qui ne peuvent pas partir. Et également, celui qui réside là-bas pour un intérêt religieux, comme la da'wah par exemple, ou la propagation de l'islam dans leur pays. Ça, ça demande un point, la tanbih. La walen, il faut savoir une chose, les pays diffèrent. Les pays ne sont pas les mêmes. Il y a des pays de koufars, ils sont pires que d'autres. D'accord? Ils sont pires que d'autres. Maintenant, la da'wah. Et da'wa ila Allah, man yakum biha? Al-alim, wa man ta'allam, jen min al-din. Tayyib, wa man tabbaqa dhak al-din. Fahimt? Man yajtami'a fihi shurut allati biha yastati' an yakum bi dinihi hunak. Une personne qui regroupe des conditions qui lui permettent d'appliquer sa religion là-bas. Awalan, qui est de la science. Taman ma'louf. Cette science qu'il l'applique, qu'il y appelle, qu'il est du sobre. La taqwa, mutamassik bidini. Et d'autres ulema démontrent également que même le fait qu'il reste là-bas, il ne vit pas n'importe où. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit qu'il vit dans un quartier où il y a des musulmans. Il ne va pas dans un quartier où il y a des koufars, il est dans un quartier isolé avec des musulmans. Il ne vit pas n'importe où non plus. Maintenant, on a dit quoi comme condition? Qu'il ait la science et qu'il soit accroché à sa religion. Qu'il l'applique. Maintenant, tu prends un da'i d'Allah en France, marié avec des enfants. La falaine. C'est une montagne de science, on dit. Des marfouzotes. Plein de choses dans sa tête. Tes enfants. L'école est obligatoire en France. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, moi je suis un da'i, je mets mes enfants à l'école, je peux rester en France? On dit là. T'es un da'i, mais t'es pas fourk arkamillah. T'es pas aussi que ce qui est interdit pour les autres, c'est interdit pour toi aussi. Et encore plus les enfants. Le verset, il est aussi pour toi. Donc les enfants, tu les mets où? À l'école, tu n'as pas le droit. Et même les écoles qui sont dites musulmans là-bas, c'est pas musulmans comme il faut. C'est l'éducation nationale qui est derrière, avec le programme des koufars. Donc tes enfants, ils vont les kharrab. Akid. Ils vont apprendre quelques sourates, comme on dit, alhamdulillah. Mais la akida, tout ça, ça va être zéro. Sifr. Sifr. Et à force de rester chez eux, voilà. Donc on lui dit, toi, maintenant, tes enfants, tu les mets où à l'école? Et lui-même, à la base, il a un peu de taqwa, il ne pourra pas les mettre chez les koufars. Parce qu'il sera chez eux, il verra le résultat de rester là-bas. Donc il ne pourra pas les mettre. Donc qu'est-ce qu'il fait à lui à ce moment-là? Il dit, je ne veux pas rester ici. Ta femme, comment tu l'habilles? Ta femme, comment tu l'habilles? Shal'an ou... Il va dire Shal'an. Tayyib. Là-bas, tu n'as pas le droit en France. Là, on parle de la France. Attention, je ne parle pas dans tous les pays de couche. Là, je parle de la France, c'est le pays d'où on vient. On connaît. Maintenant, les autres pays, je ne connais pas, c'est comment les lois. Peut-être que c'est Akhaf pour certains pays. D'accord ? C'est Akhaf pour certains pays. Là, on parle de la France. Parce qu'on voit plein de Dora qui sont là-bas en France. Ils disent, moi, je reste pour la Darwa. Tu vois ? Et quand tu regardes bien ces gens-là, Wallah, et tu regardes un par un leur cas, il n'y en a aucun qui est moustakim. Ils ont tous un khalal. Donc, déjà, rien que la condition de Tamassouk et la Taqwa, déjà, ces deux-là sont tombés. Il n'y en a aucun déjà qui a appris le djinn comme il faut chez le ulama. Il n'y en a pas. Et ceux qui ont pris un petit peu, ils ont des déviances. Ceux qui ont pris un petit peu à droite à gauche, tu vois, ils ont des déviances. Donc il n'y en a aucun qu'on connaisse, à notre connaissance hein, maintenant, qui ait fait talab al-ilm chez Ahl al-ilm, Ahl al-sunnati wa jama'a, tamaman. Vous voyez ? Une bonne période. Ils ont fait un bon tafawud de ilm. Ils ont des teskiyat. Le ulama dit lui, kaza kaza, on le connaît, il est connu auprès de nous, et on agrée qu'il puisse faire da'wa, donner de l'eau à ses frères, et qui rentre là-bas, qui soit à la sunna, du kouwa, et qui montre bien qui il est, qui ne se cache pas, et qui a une bonne da'wa. Moi, un comme ça, je n'en connais pas en France. Les plus connus, ils ont tous un truc. Ou c'est des maftouns dans la fitna de l'adani, ou c'est un sable de jam'iyat, ou des gens qui n'ont pas fait la balaim, ou des gens qui ont tous des ijtihadat, ils ont tous un truc bizarre. Tu vois, tout ce truc bizarre. Il n'y en a pas un qui est comme ça. Donc moi, personnellement, ça me démontre que là-bas, tu peux pas. Maintenant, et après, comme on a dit, on dit, allez, t'es comme ça. Ben maintenant, ta famille, comment ils vont être, eux? Et Cheikh Saïd Da'as, rahmallahu ta'ala, on a interrogé par rapport à ça, il a dit, da'il Allah, il a parlé d'une chose. Comment appelle-t-il une chose que lui-même n'arrive pas à appliquer sur lui? Il n'est pas crédible, il va dire. Il sera pas crédible. Tu appelles une chose, toi-même, tu peux pas la faire, cette chose-là. Tu pourras pas vivre là-bas, faire ton dîne. Tu vois, faut pas faire ton dîne là-bas. Donc t'appelles à quoi? Et souvent ces gens-là, tu vas les voir parler de la hijra, ils vont détourner le sujet. Parce qu'on va dire, mais t'es là toi. Toi, il appelle les frères, la hijra, faut partir et tout. Il va dire, ouais, t'arrives. Après toi, vas-y, monte le chemin, on le suit. Voilà. Et là, il va dire, ouais, mais moi je fais darwa et tout. Enfin, nous aussi on va faire darwa. On va rester ici faire darwa. On va prendre avec toi, on va rester, on fait darwa. Qu'est-ce que tu lui réponds à cela? Qu'est-ce que tu lui réponds à cela? Il dit, non, c'est juste pour moi. Enfin, ben non. Nous aussi, moi je suis converti, mon père il est là, ma mère elle est là, si je pars, qui va leur faire da'wah? Moi je vais aussi faire da'wah. À la finale, ben, tout le monde reste. Tout le monde va trouver une excuse pour rester à la base. L'autre il va dire, moi j'ai mon grand-père, tu vas dire, moi j'ai ma mère, tu vas dire, moi j'ai ça. L'autre ils m'ont dit, j'ai mon petit frère, ma mère. Tout le monde trouve un truc hein, tu vois, pour rester. Voilà. Donc ça, ce beb-là, il est vrai à la base. Tu peux faire rester là-bas pour faire la da'wah, mais il y a des chourotes que les ulama ils ont bien dit strictes. Et des gens jouent avec ces chourotes. Ils disent, moi je reste pour la da'wah. Mais est-ce que toi, les chouroutes, tu les remplis? Regarde-toi bien, barakallahu fik. Pour ces chouroutes-là, on te regarde des pieds à la tête. Est-ce que tu les remplis bien, ces chouroutes? Non, tu les remplis pas. Il y a toujours un moment, une qui saute, une ou deux qui sautent au minimum. Donc, on me dit, yarham nafsak, pars. Et crois-moi, wallah, pour que les gens s'imaginent que Allah, il va déguider les frères. Si tu pars, crois-moi que Allah, il va quand même guider des gens. Tu vois, le djinn, il est vahir. Combien de gens, ils ont connu, ils sont rentrés dans l'islam, sans avoir un da'i devant eux, plein. Il y a eu des tarjamas de kutub, des sites, des trucs comme ça. Ça a été des signes pour les faire rentrer dans l'islam. Ils n'ont pas besoin de un tel ou un tel sur le minbar, ou un tel qui est dans le drus, ou un tel qui s'est filmé. Pas besoin de ça. Allah, il a guidé. Et une fois qu'il a connu les prémices de la religion, et qu'il a eu goût, qu'il a été sincère, il est parti. Il dit, je reste pas ici, moi. Il lit le Coran, il dit, attends, pour faire tout ça, j'arrive pas à le faire, ça, ici. Il est dans la sunna, ce qu'il faut faire, il dit, j'arrive pas à le faire, ici. Après, il lit ce verset, wallah, il a peur. Il lit ce verset, il a peur, il dit, mais, c'est-à-dire, si je meurs demain ici, vous voyez, on me demandera pourquoi je suis pas parti. Alors que la terre d'Allah, elle est vaste. J'ai pu aller tel pays, je suis pas parti. Pourquoi? C'est quoi la raison vraiment? En moi. Pourquoi je suis pas parti? Parce que je suis accroché à cette terre. Donc, ça rentre dans quoi? Ma zahir, ma walat et kuffar. Que tu les aimes quelque part. Et la preuve, après ton aille parte, ils tiennent pas, ils reviennent. Pourquoi? Le cœur, il est accroché au pays. Qu'il soit accroché au pays en soi, c'est pas un blâme. Le Nabi Salam, qu'il y a Ahab al-Ard ilayhi, Mecca. Il l'a dit. S'il n'avait pas sorti, je serais pas parti. Tu peux être attaché au pays, c'est un truc naturel, c'est humain. Mais maintenant, le pays en soi, les gens qui y sont, qui y vivent, comment ils sont? Tu peux pas rester avec eux. C'est comme demain, je sais pas, t'as une belle maison. T'as fait une belle villa. Confortable et tout. La maison, elle est magnifique. Aroma barik. Avec des jardins, avec des fontaines, avec la piscine, si tu veux. Tu vois, jacuzzi. Tout, le confort. La maison t'y est accrochée. Et on te ramène plein de fous sacs dedans, plein de je sais pas quoi. Tu vas rester dans la maison? Tu vas partir. Tu dis, c'est les Belges, j'aspire avec ces gens-là. Tu pars. Tu vois? Tu dis, la maison, je l'aime, elle est belle, elle était, mashallah. Mais vu les gens qu'il y a dedans, je passe. La musique à fond toute la journée, la télé, des femmes qui passent toutes nues, je sais pas quoi, je peux pas dans cette maison, je vais dire. Et j'ai dans ma cabane, là, dans la forêt. C'est mieux pour moi. Ma maison me manque, mais les gens qui sont dedans, je peux pas vivre avec eux. Eh ben, à plus grande échelle, un pays. Le pays peut te manquer, t'aimes ton pays, t'as grandi là-bas, le décor, ils sont, voilà, plaisants et tout, mais les gens qui y vivent, c'est tes ennemis. Et Allah les déteste, les a maudits. Tu restes pas avec eux, tu pars. L'île là. Hein? Et tu laisses pas une chose pour Allah sans qu'il donne meilleur. Allah Marlouf. Quand même. Et la hijra, on pourra en parler des heures, tu le sais. C'est un sujet, franchement, trop mohim et trop négligé. Ma fahima dal maudou et la manahim Allah. Et la hijra, pareil. Faut pas que ce soit la hijra de la langue. Comme des frères font tout le temps hijra, hijra, hijra sur la langue, mais toi, il faut bien en parler, mais il faut la faire. Tu la reconnais, mashallah. T'en parles, tu y appelles mashallah. Mais la première da'wah, c'est de la faire. Et quand tu l'auras fait, même si tu parles pas le simple fait que tu l'as fait, tu vas faire une da'wah pour des gens. Que tu l'aies fait, tu rentres pas, c'est une da'wah pour les gens. Par contre, tu l'as fait, tu rentres, tu vas faire des catastrophes, tu t'en rends même pas compte. Ça va être une contre-da'wah, justement. On dit, regarde, il est rentré. Ah, s'il est rentré, il a lâché, ben, j'y arriverai pas moi non plus. Et les gens, ils bossent les voix. Alors, tu pars, tu tiens, ça encourage des gens. Non, mais tu parles même pas. Ils disent, regarde, rappelle-toi, un tel, il est parti, il est jamais revenu. Alhamdoulilah, on va faire comme lui. Pourtant, il est revenu le lendemain. Tu fous là, il est là, je l'ai vu hier matin. Non, ils vont le voir. Pourquoi t'es rentré? Et il sort ses excuses. Et après, il va dire, ah non, il est revenu. Chut, la motivation descend. Direct. Le soir, il était prêt à partir. Le lendemain, il entend que t'es revenu. La motivation est descendue. Direct. Adam in da'wat el af'al. La da'wa par les gestes, par les actes. C'est la plus convaincante. Parce que tout le monde peut parler. Hein. Des gens peuvent apprendre des hadiths par cœur, Coran par cœur. T'appliques pas, t'es pas crédible. Ou dire alayk, le Coran, hujjatun lak aw alayk. Mais t'en as pas, comme ça, ils ont le Coran par cœur, ils ont des mahfouzat, ils appliquent pas. Alors que ceux-là, ils ont pas beaucoup. Mais bien, les hamd, ils appliquent le peu qu'ils ont. Débutant, mais tu vois, il a la kouwa. Tu vois, il a la himma. Et il applique. Quand même. Thumma qal, après la hijra, le safar ila baladihim li ward al nuzha wa al mut'a mut'at al nafs. Donc il dit le fait de voyager dans ces pays-là pour en dire le tourisme. Vous voyez, nuzha là-bas c'est une promenade, ce genre de choses. Et le mut'a c'est une forme de plaisir. On va dire pour le tourisme. Tout ça c'est en langue française serait traduit par le mot tourisme. Bien qu'au tourisme on veut dire siyaha. Mais là, il veut dire le sens tourisme, d'aller visiter, d'aller passer des vacances, ce genre de choses. Ou. Voilà, la détente, ou même le travail, s'il n'y a pas de raison. Pour la dunya, quoi, en fait. Faqal, wa safaru ila balad al-kuffar muharram ila 'inda al-darura, kal-'ilaj wa at-tijara wa at-ta'lim lit-takhassusat al-nafi'a allati la yumkin al-husul 'alayha ila bi-safar ilayhim. Fa yajuz biqadr al-haja an wa tayyib. Donc il dit que le voyage vers les pays de Kouf, les Koufar, cela est interdit également, sauf dans un cadre de darura, d'une nécessité vitale, comme on dit, ou de besoin, grand besoin. Comme par exemple, en vue de remède, de soins médicaux. Mais taban, quand tu ne trouves pas dans un pays d'islam. C'est pas demain tu es malade. Dès que tu me khalas, je vais en pays de Kouf pour me faire soigner. Est-ce que d'abord ces soins ne sont pas présents au pays d'islam? Si le sont, tu passes d'abord en pays d'islam. Et après, si vraiment ils ne sont pas, tu peux aller que là-bas, bah, c'est des marvores. Et également, ça dépend des maladies. Il y a des maladies sur lesquelles tu ne peux pas patienter. Des choses que tu peux supporter toute ta vie. C'est pas un truc genre tu vas mourir ou tu deviens handicapé ou tu arrives à une chose qui fait que tu deviens, tu vois, impuissant ou quoi. Tu as des maladies, tu peux les supporter. T'as des maladies chroniques qui viennent, je sais pas, mais tu peux le supporter. Tu peux vivre avec. T'as bien. Regarde l'histoire de cette femme noire. Elle avait des crises. Et si tu veux, j'invoque Allah, il te guérit. Et si tu passes en toi, le Jannah. Qu'est-ce qu'elle a dit? Fasbir, knullah, l'aktashif. Au moins. Invoque Allah que je ne me découvre plus. Des crises, mon frère. Elle tombe par terre, elle avait des crises. T'imagines? Ça, c'est un truc qui est dur à supporter. Il le dit quoi? Si tu passes, t'as le Jannah. Alors que dire quelqu'un qui est en pays d'islam, il a une maladie, qui peut supporter, C'est pas elle va le tuer, ou c'est pas genre elle l'empêche de vivre. Vraiment, on dit si tu patientes, avec le Jannah, avec le, la Hijra, tu patientes, tu es mukhlis, Inch'Allah, tu as une récompense qui t'attend. Tu vois? Ben, yukas ala hada. Ça ouais, c'est pas toute maladie aussi qui t'appelle à rentrer. طيب يقول ويشترط كذلك لجواز هذا السفر أن يكون مظهرا لدينه معتزا بإسلامه مبتعدا مواطن الشر حذرا من دسائس الأعداء ومكائدهم وكذلك يجوز السفر أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأجل دعوة إلى الله ونشر الإسلام. Donc il dit également, là aussi il met des conditions pour entreprendre ce voyage. Soit pour le commerce. Ah ouais, j'ai pas traduit la partie en haut. Attendez, on a dit le Hilaj, ou le commerce, ou pour apprendre des choses certaines, on va dire, des branches spéciales qui ne sont pas trouvables ailleurs, dans le pays d'Islam. Hein? Donc, il est permis de partir dans la mesure du besoin. C'est-à-dire, une fois que tu as fait ce que tu avais à faire, tu repars. T'es venu pour un truc en particulier, tu le fais, dès que t'as fini, tu rentres. D'accord? Tu repars. Ensuite, là la partie qui vient en arabe, qu'il y a des conditions. Pour entreprendre ce voyage, il y a des conditions. Tout d'abord, que ton dîne soit apparent. D'accord? Ton dîne soit apparent. Que tu aies une fierté de ta religion. C'est pas tu viens et t'as honte, comme beaucoup y font. Ils arrivent dans le pays de Kouf, ils ont honte de leur pays d'origine, ils ont honte de leur peuple. Ouais, nous on est fatigués, on est comme ça. Je fais, t'es un musulman, non, lève la tête. Arrête de casser tes frères. Il y a des il y a des choses pas bien, mais ça reste des musulmans. Alors que ceux-là, eux, c'est des anjas, des mouchrikoun, des kuffars. T'as pas honte de les vanter et de ramasser tes frères. Tu conseilles tes frères, d'accord, et tu bénis que ce qu'ils font c'est khatab, pas que le café ils croient que ce que tu fais c'est l'islam, mais en même temps l'autre tu le gonfles pas non plus. Et tu lui montres que tu l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas, tu n'as pas le droit de l'aimer. Tu ne dis pas à lui. Tu penses que tu as à apprendre de lui, comme Khay, et tu te donnes de lui après. Parce que beaucoup de gens, parmi ceux qui viennent justement pour le Tijara aujourd'hui, ou se faire guérir en France, ou apprendre des sciences, dans les pays de Kouf, généralement, c'est des gens qui veulent la dounia. Il faut dire ce qu'il y a. On voit la vérité comme ils sont, c'est des gens dont leur dîne, ils sont faibles, très faibles. S'ils ont du dîne, on parle de ceux qui ont du dîne, ils viennent pour la dounia. Pour travailler, pour envoyer l'argent en bled. Ou s'installer dans une situation, comme on dit. J'ai une situation, ça marche bien pour moi. Naam. Et yom l'arkayama, c'est quoi ta situation? C'est ça qu'il faut leur dire. Ou ils viennent étudier en France, par exemple. Parce qu'il y a des trucs qu'il n'y a pas dans son pays. Je vais être docteur, je vais apprendre en France. Je suis désolé, tu peux apprendre la médecine aujourd'hui. Tu as des choses spéciales vraiment que tu peux apprendre dans les pays de Kouf, c'est vrai. Mais des choses tu peux les prendre en pays islam. C'est pas darouri. Tu vois? Et attention, faut dire une chose aussi. Innama al-a'mal binniyah. Celui qui a nié de faire ça, c'est pour n'offre à l'islam ou à l'muslimin. Il va prendre un truc, par exemple, une branche spéciale dans la médecine, pour revenir dans son pays et faire profiter aux muslimin. Tu comprends ce que je veux dire? Par exemple, je sais pas, moi, il y a un truc, une maladie qui se propage beaucoup dans un pays islam, et le remède, il est campé de couf. Ou apprendre comment y remédier. Il y va, mais son but c'est une fois qu'il l'a appris, il revient. Et dans son pays, il aide les gens de son pays, de l'islam. Et eux, c'est pas ça qu'ils font. Eux. Et maintenant en France, la première médecine, après les tabibs en France, il a sa plaque là et tout, diplômé de je sais pas quoi, et il vit là. Mais non, c'est pas ça le but. C'est tu prends et tu le donnes aux musulmans. T'as appris une science, par exemple, dans l'industrie, tu l'apprends une fois que t'as fini, tu rentres. Et tu la propages chez les musulmans, tu en sers chez les musulmans. Et eux, non. Ils apprennent, ils restent, ils contribuent à l'évolution des koufars. Comme ils vont en parler à la fin du chiffre aussi. Et ça, non. C'est pour ça que tu ne parles même pas. Donc, comme on a dit, l'imam Ahmed bin Niyah, ton cosd, c'est neuf à l'islam ou aux musulmans. Donc, il dit que son dîn soit apparent, qu'il soit fier de son islam, et qu'il s'éloigne des lieux de mal. D'ailleurs, il n'habite pas n'importe où non plus. Il fréquente pas n'importe qui et il ne vit pas n'importe où. Afin d'éviter toute chose que pourrait lui inculquer les koufars, comme complot ou comme mauvaise idée. Car l'homme, il est faible. aussi savant soit-il, il est faible. Il peut se prendre une choubouhad. Également, qu'il est possible, permis de voyager, voire même qu'il est obligatoire de voyager dans leur pays, c'est pour la da'wah à Allah et propager l'islam. Et ça, on a dit pareil, il y a des shurut. Et c'est vrai qu'il faut que des gens viennent appeler à l'islam. Fais le do'a. D'accord? Mais ces gens-là, ils ont des conditions à remplir. Et quand bien même, ils font ça, ils sont pas obligés de s'installer. Ils peuvent venir un temps et repartir. Les ulama qui viennent faire da'wah en France, ils restent pas. Ils viennent un temps, ils s'assoient, ils font leur da'wah, après ils s'en vont. Ils vivent pas là-bas. T'as même? Ils vivent pas là-bas. Donc les vrais gens, ahoulah, de faire la da'wah, ils vivent même pas là-bas. Ce qu'ils voient commencer, ils supportent pas. Comment tu peux donner des choses à des gens, toi-même t'es pas à l'abri. تمام فأظن سنقفنا فاليوم ما أخذنا من مظاهر موارة الكفار أخذنا التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما فدي رسمي par le vêtement et le parler ce genre de choses أخذنا الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلاد المسلمين لأجل الفرار بالدين le fait de vivre dans leur pays et de ne pas repartir pour fuir avec sa religion également السفر لبلادهم لغرض النزهة والمتعة ومتعة النفس le fait de voyager dans leur pays, pour le tourisme, ou pour acquérir des choses. De ce bas monde. Naam. Mafoum hada? Taïeb. Wa subhanaka allahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma'a tahiyyati dammaj afaf.com